il est chelou, mon frère. C'est tombé. Ah, attends deux secondes. Ouais, allô. Ouais. De quoi? Il a fait quoi? Non, bah c'est bon, j'arrive. Putain. Qu'est-ce qui se passe là? Chelou. Chelou, mon frère. Le commissariat, il m'appelle. Ils disent, mon petit frelon, il a fait des trucs chelous. Je sais pas, il veut pas me dire. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Vas-y, accompagne-moi, s'il te plaît. Vas-y, on y va. Ce petit con me casse les couilles. La daronne a trop mal, malgré les morales, il se met dans les embrouilles. Putain. C'est mal fait mon taf, le service et tout ce qu'il a eu. Toujours là d'ouvrir les appels de son pahut. Il est assez grand pour pouvoir comprendre seul. Et juste assez pour plus que je lui casse sa putain de gueule. Il fait le mec, tard le biche, toi tu sais pas. Des mots de ouf dans la brousse à l'époque où toi tu serais pas. Et ses potes, je vais les niquer, c'est de leur faute. Vas-y. Leur génération de con veut faire pire que la nôtre. J'ai trouvé des trucs chelous dans sa brossant. C'est qu'un petit con sur les champs veut jouer les méchants. Il rentre pas le soir, l'illicite il veut voir. L'alcool il veut boire, la daronne il va décevoir. Vas-y garde-toi là, j'te jure qu'il est dead. Okay. De toute façon c'est lui péso, on a les seins pour le blé. J'en ai marre d'ici, j'veux tout niquer. J'ai frère ferme ta gueule. J'ai présenté mes têtes cramées. Vas-y ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Eh petit frère ferme ta gueule. J'veux être dans l'hostilité. Vas-y ferme ta gueule. J'ai marre d'ici, j'veux tout niquer. Je vais représenter mes têtes cramées. Vas-y ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Eh hey, petit frère ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. Okay. Vas-y explique-moi maintenant. Au départ j'étais avec la sana posée dans la tête. Ouais. Lorsqu'il m'invita à venir chez lui pour faire un PES. Ouais, okay. Arrivé devant son hall, les policiers débarquent. Si j'aurais su, jamais j'aurais goûté à cette matraque. Contrôle d'identité, j'avais pas mes pieds bas. En plus de ça, dans ma chaussette, j'avais une red croix. Il m'a braqué, genou à terre, les mains sur la tête. Trop humiliant, obligé, j'ai dû mettre un coup de tête. Ah ouais, le cœur saignait du nez, m'a plaqué sur le dos. Alors il m'a embarqué et m'a ramené au comico, putain. Ouais, normal. Des cafards dans la GAV. J'étais mort de rire lorsque le commissaire s'énervait. Et je pensais à mes potes qu'ils allaient venir me chercher. Ils ont dû avoir une embrouille qu'ils n'ont pu esquiver. 24 heures au poste, moi je dis que c'est pépère. Ce n'est pas la première fois et encore moins la dernière. Je veux tout niquer, petit frère ferme ta gueule. Je veux présenter mes têtes cramées. Vas-y ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Eh petit frère ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. Vas-y ferme ta gueule. Je veux ici, je veux tout niquer, petit frère ferme ta gueule. Je veux présenter mes têtes cramées. C'est la prison ou la cité. Eh hey, petit frère ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. J'ai dit ferme ta gueule. J'ai cru dans un film. Vas-y arrête ta tcha, tu bois ton pote moi. Fais attention comment tu me jattes. De toute façon tu seras jamais de mon avis, ça c'est sûr. Mais regarde ces bâtards nous mettent dans la censure. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as cercé la javée. Reste pas dans ta saucette, tu vas me dire que t'as rien fait. Et alors, si je bicrape c'est pour avoir des thunes. Tu m'achètes ni mes pompes ni mes sables sans rancune. La daronne ne t'a pas, c'est une femme au foyer. Crois-moi j'ai mieux à faire, je dois payer le loyer. Ok tu me dis ça, mais rappelle-toi de ton passé d'été pire que moi, chaque soir t'étais en GAV. On fait tous des erreurs, crois pas que ça m'a tenu à cœur. Un jour ta fierté, et ben il faut qu'elle meure. Crois-moi que non, j'ai trop de bises, trop d'embrouilles à régler. Sur la tête de WAM, le jour viendra où je vais tirer. Je vais tirer, je vais tirer. J'en ai marre d'ici, je veux tout niquer. Petit frère ferme ta gueule. Je veux présenter mes têtes cramées. Vas-y ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Eh hey, petit frère ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. Vas-y ferme ta gueule. J'en ai marre d'ici, je veux tout niquer. Petit frère ferme ta gueule. Je veux présenter mes têtes cramées. Vas-y ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Eh hey, petit frère ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. J'ai dit ferme ta gueule. J'en ai marre d'ici, je veux tout niquer. Je veux représenter mes têtes cramées. C'est la prison ou la cité. Eh hey. Je veux être dans l'hostilité. Relou pas le petit frelon là hein. J'en ai marre d'ici, je veux tout niquer. Casse les couilles. Je veux représenter mes têtes cramées. Ferme ta gueule. C'est la prison ou la cité. Ferme ta gueule. Je veux être dans l'hostilité. J'ai dit ferme ta gueule.